J'ai pensé au Proche-Orient, à l'Irak, à l'Afghanistan, à tous ces pays déchirés qui rêveraient d'un monde de paix. J'ai pensé à l'ETA, au Hamas ou à Al-Qaïda, la fin d'une guerre pour des idées. Monde de paix. Ici la paix aujourd'hui. Ici la paix. Ici la paix aujourd'hui. Ici la paix. Il y a tant de choses à aimer. Ici la paix. Donne-toi, partage ta paix. Ici la paix aujourd'hui. Ici la paix aujourd'hui. De choses à aimer, donne-toi, partage ta paix. J'ai pensé que ce matin j'avais insulté mon voisin pour une chose sans importance dont j'aurais pu lui faire créance. Et maintenant, tout au fond de moi, je me dis que pour changer tout ça, il suffirait qu'on se tende la main. L'amour, le pardon, la clé de demain. Ici la paix aujourd'hui. Ici la paix aujourd'hui. Il y a tant de choses à aimer. Donne-toi, partage ta paix. Donne-toi, partage ta paix.